نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. Il restait deux exercices, je crois, pour aujourd'hui. Un seul, t'es sûr? Comme ça, on va en donner au moins deux. J'ai pas raté de toi. Là. On avait dit. Awalen ma wal. Il y avait Ajim al-As'ila, le premier. Allez, celui-là à faire, je me rappelle. Ajim al-As'ila. Et il y avait. Le 6. T'as oublié de faire le 1? Inch'Allah. Ah, juste un truc, quand on avait pris Ay, on dit Ay ismi stifham. J'avais cité une ayat, en fait l'ayat elle rentre pas dans ismi stifham. Là c'est un Ay, c'est un autre sens. Ayyukum ahsanu amala. À ce moment-là c'est pas ismi stifham. Vous voyez, c'est un ismi usul. Liabluakum ayyukum ahsanu amala, c'est pour qu'il vous éprouve afin de savoir lequel d'entre vous commet les meilleures œuvres. Et là c'est pas ismi stifham à ce moment-là. C'est un ismi usul qui veut dire Allazi. Hey, ça peut dire Allah. Donc la ayat que j'ai donnée comme shahid, elle rentre pas dans le contexte. Ayat. On va aller faire. Quand même. Anta kharajta min al-fasl. نعم انت جلست في الفصل عندك محمد six qu'on a déjà fait ou six deux là qui t'a fait pour aujourd'hui six là c'est dans le DAF 14. Non, c'est pas ça avant, c'est pas c'est 15. Ah, c'est ça. Avant, c'est pas ça. Ah oui, c'est en français. Antum Zeras, comme c'est pas celui-là. C'est une Jewish, c'est avant que je devrais parler. Aïna Zahabta, ya Akhi. Aïna Zahabta, ya Akhi. Aïna Zahabta, ya Ikhwati. Ah. Aïna Zahabta, ya Ikhwati. إنا ذهبتم إنا ذهبتم ليس ذهبتم ذهبتم في موا إن كنت ذهبتم في موا السؤال في أين ذهبت يا أخي ça devient quoi t'as dit خرجتم j'ai entendu خرجتم le premier ذهبتم c'est ذهبتم إنا ذهبتم يا إخوان نعم لماذا خرجت من الفصل يا ولد لماذا خرجت من الفصل يا أولاد طيب فندخل في الدرس خميس عشر طيب محمد ستقرأ الفتيات وعبد القادر زينب وأنت إحداهن أنا كذلك الفتيات وإحداهن سوا سلام معك لك سابيتي دي ناس بدأت لك سابيتي أقوان تخب دي جان بان بنا نتكي أقوان Il va prendre la confiance après. Tu peux nous dire juste, c'est comme tu fais d'habitude, les gens, quoi, ils portent en gros le DAF. Le DAF, il porte sur le Damir, l'As Damir, le Mouennef. C'est le Mouhatab. بين المتصل والمنفصل مؤنث المخاطب. مثل مؤنث انتم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنتم يا إخواته؟ يا أخواته. وعليكم السلام ورحمة الله. نحن بنات الشيخ عباسي. سين. الشيخ عباسي. أهلا وسهلا ومرحبا. أمكن أستاذتي. كيف حالكم؟ ها. كيف حالها؟ كيف حالك؟ لا يا عباسي سيش مرات وسيش دي. أنت دي عباسي. عباسي. لا مش سيش مرات فازم. جي شيخ عباسي. لا عباسي. سو إين وسكون. يا با إي. عباسي. سو تنوين وسكون. يا با. C'est qu'avec le A, c'est qu'avec le N, tu peux faire avec le A. Non, non. Quand il y a un tanouin alif, tu dis A. Même avec les autres, c'est ou soukoun ou tanouin. Macha. Eh. Fadalou. Hiya bi khayrin wa alhamdulillah. Aina hiya al-an. Hiya al-an fi al-wida, fi al-riyad. Mata dhahabat. ذهبت قبل الأسبوع. قبل أسبوع. من ذهبت معها؟ من؟ ذهب. من ذهب معها؟ ذهب معها أخوهن. نعم. أخونا إبراهيم. كيف حالكم؟ حمسمتك. نحن بخير والحمد لله. نحن في المدرسة المتوسطة. إيه، سي باس، tu l'empêches de passer. متى اختباركم؟ اختبارنا بعد شهر. بعد شهر. أذهبتن إلى المدرسة اليوم؟ لا اليوم يكون ريكو. اليوم. نعم ذهبنا ورجعنا. Faut que s'habitue à prendre chaque déjà comme ça sans il. Mais va partout il apprend. Adam. Oui, mais lui, après, il n'y a pas de différence en retour à les autres. Il va faire ça avec tout le monde. Les enfants, ça prend vite de la confiance. Voilà, on a une limite. Sinon, rien. On va traduire le. Donc, Al-Fatayat, Kulna, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Man antunna ya akhawat. Donc là, chez Shahid, antunna. Ça, c'est un nouveau damir. طيب في المخاطب الجمع المؤنث. طيب في المؤنث انتم للرجال تقول انتم وللنساء تقول انتن لتشديد النون. طيب ينشد في النون انتن المخاطب. اذا كان منفصل انتن ضمير منفصل. طيب ايزولي متشي. اذا regardez dans le texte il dit اهداهن اي l'une d'entre elles. Maintenant, هن là, c'est le متصل. طيب انتن في المنفصل وهن في ال متصل. نعم. احدى لكن يداهن في مخاطب وكيف؟ في غائب. هن هنا لا يحداهن في الغائب c'est pas مخاطب. احداهن والن. طيب c'est comme هم en fait. C'est le féminin de هم. Par contre انتن c'est le féminin de انتم. Donc attention, c'est pas les mêmes. Ah ouais. C'est pas les mêmes. Antunna. C'est l'une d'entre elles. Ouais, c'est le féminin de vous. Nam. Voilà. Et antunna, c'est féminin de antum. Mais ihda, c'est féminin. Hein. Ihda, nam, c'est une. Nam. C'est féminin de ahad. On n'a pas compris ahad. طيب نحن بنات شيخ عباس. Donc نحن on a déjà pris. مالك نعم زينب تقول اهلا وسهلا ومرحبا. On a déjà pris la cette formule, ça veut dire bienvenue. أمكن أستاذتي كيف حالها. Donc là أمكن كنا là c'est ضمير متصل للمخاطب الجمع المؤنث. طيب c'est le féminin de كم. طيب donc c'est lui qui revient à quoi, أنتن. أنتن c'est منفصل وكنا إيه لا تبدل فوضى لا وكنا c'est le متصل مفهوم هذا. attention entre هن et كنا. هن c'est le غائب et كنا c'est le مخاطب. طيب هن c'est elle وكنا c'est votre à des femmes. كيف حالها comment va-t-elle. هي بخير والحمد لله. elle va bien الحمد لله. elle est bien. أين هي الآن. où est-elle maintenant. هي on a déjà pris c'est elle. طيب هي الآن في الرياض. متى ذهبت quand s'en est-elle allée. الآن سأذهب في المكان هذا. آه الآن ذهبت في المكان هذا زمان. متى on a pas pris متى encore. C'est un nouveau ism istifham lil zaman. Quand. Tayeb mata ism istifham lil zaman. Tayeb on a pas encore pris celui-là. Mata je. Tayeb. Donc là ça veut dire mata quand. Tayeb quand est-elle allée. Et zahabat on a dit encore que le test est ta'anis sakina. Tayeb. Zahabat qabla usbu'in. Elle est partie une semaine auparavant. Donc qabl là c'est un zarf zaman avant. La zaman. Naam. Qabla c'est un zarf. Zarf, tayeb, zaman. Et usbu' c'est semaine. Usbu' ça veut dire semaine. Man dhahaba ma'aha. Qui est parti avec elle. Où la zahaba et où le fa'il. Man zahaba ma'aha. Zahaba le fa'il. Le fa'il. Le fa'il. Man zahaba. Zahaba c'est le mustatif. Non, huwa. Zahaba ma'aha akhuna Ibrahimu. Tayeb. Regardez là. On a encore un exemple de. Déjà, Oulen, Zahaba. Il est où son fa'il. Et toi tu dis quoi. Zahaba ma'a akhuna Ibrahim. Il est le fa'il. Ibrahim. Là. Donc fil ma'na n'am, là. Dans le sens Ibrahim. Mais sinon c'est dans l'i'rab, c'est pas lui qui va prendre Zahaba huwa il mustatir. Là. Donc c'est ma'aha. Ma'aha il est fa'il. Akhuna. Parce qu'Ibrahim c'est un genre de badal. Bah, c'est pas un genre, c'est un badal. Naam. Parce que Akhuna c'est Ibrahim, c'est la même chose. Tayeb, le fa'il c'est Akhuna. Afant. Tayeb Zainab, كيف حالكن؟ Comment allez-vous? إحداهن نحن بخير والحمد لله. Zainab, في أي مدرسة أنتن؟ Donc on a déjà dit أي. Tayeb, اسم استفهام. Il est mudaf. C'est ça? De quoi? Fi ayi madrasatin antunna. Naam. Donc, on a dit ayi ici c'est Naam. Fi ayi madrasatin antunna. Donc, quelle école êtes-vous? Yahdahunna nahnu fi al madrasati al mutawassita, lycée ou collège. Voyez, nous sommes au lycée ou au collège. متى اختباركن. اختبار c'est examen. طيب quand est votre examen. كنا c'est à vous les femmes. Donc ici كنا c'est dame متصل c'est un مدخلي. C'est un مدخلي. Et متى on a dit اسم استفهام. Donc là ce serait quoi متى اختباركن. متى ce sera un خبر مقدم واختبار مبتدا مؤخر et les مضاف et كنا مضاف اليه. اختبارنا بعد شهر. طيب notre examen est dans un mois ou après un mois. Donc là بعد c'est un ظرف طيب زمان فدير أبخي بعد فس تول ترتباطير محمد سي توي كي فيك شوف في الانتيريس سي ليليمون ترتباطير. Donc on a dit Mata, c'est Ismou Stéphane. Non. Non, non, on a déjà passé ça. Ouais. Barda ou là, c'est un zarf. Tayeb, Zaman. Après. Ou Shahrin, ou Dof Ilay. Barda, c'est Zarf Matana. Zaman. Zarf Zaman. Et les Moudof, ou Shahrin, ou Dof Ilay. Char, c'est moi. Azahabtunna, il est Madarati, El Yoma. Êtes-vous allé à l'école aujourd'hui? Donc là, regardez, on a un nouveau damir muttasil pour le fi'l cette fois. C'est celui qui est fa'il. C'est tunna. C'est en fait vous. Vous voyez? C'est comme ce souvenir de tum. Zahab tum, un tum rijal. Zahab tunna, un tunna, un nisa. Donc tunna. Vous voyez? Zahab tunna, c'est vie féminin. Féminin, ouais, damir, le mukhatab, le jam, le mouanna. Muttasil. متصل ايوه متصل انتما ذهبتنا متصل متصل متصل بالفعل الى خشوع يعني الى فاعل طيب ذهبتنا الى فاعل طيب نعم ذهبنا ورجعنا وي nous sommes allés nous sommes revenus ذهبتنا كفاعل نعم الى ذهبنا لنا الى فاعل طيب في نحن في نو رجعنا Si nous sommes fait revenir, Raja a fait revenir, nous sommes revenus. Et c'est quoi comme phrase, Jumla Fialia? La Jumla Fialia, non. Taïeb. Ajib an Asiyatil Atiya. Ça sera pour Adali Ghad, Inch'Allah. Manantunna, Eina Umukunna, Eina Beytukunna, Eina Khoukunna, ainsi de suite. On reprend sur le texte. Je pense que tu parles, non, c'est pas votre texte. Thani, yakoul, annif al-mutada ati kouli mine jumel atiya. C'est rendez féminin al-mutada pour toutes les phrases qui suivent. Mathalan, a antum tullabun. Donc le mouannet, ça va être a antunna talibatun. Vous voyez, c'est pareil pour toutes les phrases. A jumel athaniya. A antum mudarrisuna. Êtes-vous des enseignants? عندك محمد أنتن مدرسات نعم أنتم أطباء هل vous des médecins أنتن طبيبات نعم أنتم إخوات حامدين هل vous les frères de حامد أنتن إخواتنا أخوات أخوات حامد نعم أنتم مسلمون أدفو دي مسلم أنتم مسلمات نعم أنتم أعمام محمود أدفو دي زوك باترنال دي محمود أنتم عمات محمود عيد أنتم نعم أعمام عمات عمات محمود عماتو اي مضاف سيبا عماتونا لا كوا عماتونا كما تدي لزوم لسر ماتنال دي حامد عماتو حامد محمود يبا الدميرة تدي كوا انتم عماتون لا عمات فقط عماتو محمود ستو مضاف مضاف إليه يبا الدميرة نعم نعم دكتورين نعم تتدي عمتنا يا فدمير أمام أمام أمام لا مش مذكر أيوة مذكر طيب أنتم أبناء مديري هل vous les enfants les fils du directeur أنتم أبناء المدير نعم أنتم أباء الطلاب êtes-vous les pères des étudiants أنتم أمهات أمهات الطلاب نعم أمهات أمهات هكذا حول الضمير في كل من الجمل الآتية كما هو موضح في المثال. Donc là, il faut changer le damir et le mettre au féminin. Pareil. Mafalahin, yakul, Aina baytukum ya ikhwanu. Donc ça va être Aina baytukunna ya akhawatu. Donc là, pareil, il faut mettre les phrases au féminin. Juste antum atiba, c'est antum tabiba. Naam. On fait maintenant cela? Naam, c'est maintenant. Aina akhukum ya ikhwanu. Andaman. C'est qui le dernier? Où est votre frère ou vous les frères? تفضل juste le dernier faut changer et le mot à la fin le mot khatab c'est quoi le premier akhawain aina akhukum ya ikhwanu aina akhukum ya akhawati aina ايش akhukum akhukunna ايوه akhukunna ya akhawatu نعم Ah, ça, il ne faut pas changer. Je dois juste dormir à l'Mukhatab. Il n'a pas changé. Si. Aina Akhukum. Mais Akhukunna, il a dit. Akhukunna. Aina. Je ne sais pas s'il veut dire madrasa ou madrasa. Ah, c'est madrasa, non. Il ne faut pas mettre madrasa pour des frères. Aina madrasa tukum ya ikhwanu. Aina. Et où est votre école, vous les frères? Nam. Nam, en plus, nam. Ça, j'ai pas eu la seconde. De toute façon, même tu prends ce règle de djinn, les frères n'auront pas une moudarissa, inshallah. Enfin, maintenant, c'est un phénomène qui commence, qui s'exporte, tu vois, mais inshallah, dans le kitab, il n'a pas voulu faire ça. Bismillah. Vous voyez? C'est quoi? Là, j'avais échec entre madrasa et moudarissa. Et c'est pour ça qu'il faut mettre une moudarissa pour des frères. Bien qu'il y en a qui vont faire des fatahs pour que ça arrive. Non, carrément. Ça y est. Mata, irtibalukum ya ikhwanu. Quand est votre examen, ou vous les frères? Andek ya Mohamed. Tal. Mata, irtibalukum ya ikhwanu. Naam. Ya ikhwanu. أهذه عمكن يا أخواتي نعم أحسن est-ce qu'il est votre oncle paternel ou vous les sœurs بيتكم قريب يا إخوان est-ce que votre maison est proche ou vous les frères donc أهذا il a changé quoi il a changé le domaine mais il est le mukhatab donc أهذا tu laisses il reste Ce qui change, c'est le damir et le mukhatab. Donc, ahada, ammukunna. Ammukunna, ya akhawat. Non. Toi, la 5 Abaytukunna, qaribun, ya akhawat. Non. Fi ay shahrin, ikhtibarukum, ya ikhwan. Donc, lors de quel mois est votre examen, vous, les frères? Fi ay shahrin, ikhtibarukunna, ya akhawat. Non. خاص مفهوم درس سهل طيب رابعا ضع في الاماكن الخاليه فيما يلي ضميرا مناصبا للمخاطب انت انتم انت انتن donc maintenant en fonction du mot qu'il y a devant vous vous devez mettre le damir qui correspond ا مسلم عندك محمد on va mettre le damir نعم اما انت اما انتم اما انت اما انتن نعم انت مسلم ا ممرضه نعم أم طبيبات أنتم نعم ما قلت أم تجار نعم أم بنت المدرس أنتم نعم ما قلت أيها أنتم تجار ايوا ايوا بنت المدرس بون وعليكم السلام طيب اخوات عباس اخوات عباس انتن اخوات نعم اخوات نعم مضاف اليه أم طلاب أحوات مضاف عباسي مضاف إليه. طب ذاك التنوين. أيوة محمد. أنتم. نعم طلاب. طيب خامسا ذا في الأماكن الخالية في جمل الآتية ضميرا متصلا للمخاطب سواء ك كم كي أو كنا. دونك مانو فما ضمير متصل. طيب نعم يدخو الجملة الأولى أين بيت يا إخوانو عمرنا تبين سواء ك سواء كم سواء كي سواء كنا. نعم بيتكم. نعم إن بيتكم. أهذا كتاب يا حامد. هذا كتابك. نعم. ساعة جميلة يا ليلى. ساعتك. ساعتك. نعم. تبي سفرتها. لا va pas direct. Effectivement d'amis ça c'est. نعم. وعليكم السلام. لا تعودي لهذا. من أبوم يا أخواته. كي هو votre père ou le frère؟ من أبوكم يا أخواته. أبوكم يا أخوات. يا أبوكن. أيوة أبوكن. مسموم يا أخي. نعم مسموك يا أخي. مسموم يا أختي. مسموك يا أختي. نعم. أم في البيت. يا أسماء أخوان. نعم طيب أنا سهل ساعتك جميلة يا ليلى. إيش يا ليلى كما لك ليلى كما يعني يا ليلى وانا ما تسمعني كوا ليلى كما لك ليلى كما لك Et tu Leili. Leila comme Moussa. Et ils ont mis Shadda. Et ils ont mis. Là, c'est Khatan. Faut de l'imprimerie. Il y aura de l'imprimerie ça. Leila, il s'écrit comme Moussa, Issa, avec Alif Nafour. Ça sera bien. Il écrit comment? Il écrit comme il dit. Leili comme moi. Comme ça. Non, comme il est. Comme ça. Voilà, toi, il est juste. C'est comme ça que c'est fait. Non. J'ai lu juste dans le Coran. Allah, j'ai lu comme ça, mais c'est tombé dans la qu'on a vu. Il y a marqué Afa'una bikum bisharim minzalikum. Ça veut dire quoi? Il aurait pu mettre minzalik sur le mana, sur le mana, ça aurait pu. Et ça veut dire quoi en fait? Est-ce que nous allons vous informer de ce qui est pire que cela pour vous? Minzalikum, ça peut être femme comme homme. Bisharim minzalikum, pire que cela pour vous. Afa'una bikum bisharim minzalikum. Alors vous informez des choses qui soient pires que celle-là pour vous. Ah mais vous n'allez pas dire parmi vous. Là, là c'est min, après c'est comme je dis, min hada. De cette chose-là. La zalikum, il a mis kum parce que comme on disait la dernière fois, tout comme le sauf était aussi le même, s'il avait dit min zalika. D'accord. Voyez. Et là tu comprends donc il parle à plusieurs personnes. Non, même s'il avait dit zalika, il parle à plusieurs personnes. Okay. Tu vois. Mais là c'est plus. De toute façon dans le Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala emploie un love, un thème particulier, il y a toujours un sens qui diffère. C'est Allah, il ne prend pas les. Dans le Coran, les Hafaz, ils ne viennent pas n'importe comment, tu vois. Mais nous, dans notre parler à nous, si tu dis min zalik ou min zalikum, ça peut être pareil. C'est juste que quand tu dis min zalikum, tu es plus précis et ça indique que tu parles à plusieurs personnes. Tu vois. Ou une personne à qui tu dis vous. Par respect. Tu vois. Par exemple, tu peux dire vous à quelqu'un, une personne seule. Comme nous, on vous voit en français. Tu vois ça, il y en a, ils le font. Il y en a, ils le font. طيب ذا في الأماكن الخالية فيما يلي ضميرا نصبا متكلم أنا أو نحن. طيب دوك لو نمت ضمير devant les mots ça va être un mutada bien sûr devant les mots qui sont exposés là إما نحن وإما أنا. طيب مسلمون أنا مسلمون مسلمون واتفقوا نعم مسلمتون ما كذا نحن مسلمتون مسلمتون نحن بري نحن nous sommes une musulmane non muslim c'est pas muslimatun c'est muslimatun une autre le 3 ah. C'est une étape ouais. C'est Anna ouais. Muslimatun Nam Benetul Moudiri Nam Ibnul Moudarissi Ibnul Moudarissi لا انا ابن طلاب نحن مريضة انا طيب طيب ليه ساعة تنبيه سوف كي كونسيرن ظروف ظرف زمان يقول اقرأ واكتب ذهب ابي الى القاهرة قبل اسبوعين دونك مون بير بارتي او كير il y a une semaine دونك لا Le but c'est quoi? C'est de vous remarquer le dorf qui est qabl, qui veut dire en fait avant. Vous voyez, qabla usbu'in. Naam. Donc comme on a dit, le dorf il vient souvent les mansoub, donc avec une fatha, et souvent les moudaf. Vous voyez, c'est pas toujours moudaf. C'est pas toujours moudaf, mais très souvent les moudaf. Vous voyez, donc là, le moudaf c'est qabl, et le moudaf lui c'est usbu'in. Il dit, Mata kharajta min al-fasli ya Muhammadu. Kharajtu bab ad-dars. Quand es-tu sorti de la classe, oh Mohamed, je suis sorti après le cours. Donc la barda, ça veut dire après. Il est moudaf, zarf, mansoub. Et moudaf, il est dersi. Zahabtu, le masjidi, qabl al-azan. Je suis allé à la mosquée avant l'azan. Le shahid, c'est qabla. Qabl al-azan. رابعا متى ذهب عمك الى الرياض يا امينه او عمك عفوا الى الرياض يا امينه elle répond ذهب قبل شهرين donc quand est-ce que ton oncle est parti à Riyad ou Amina elle répond il est parti il y a un mois nous on dirait il y a un mois mais en fait ce serait avant un mois vous voyez parce que قبل c'est avant mais nous en fait on va pas dire avant on va dire il y a un mois طيب تقول الشهيد في قبلة طيب خامسا قبل الصلاة ذهبت إلى المطعم لا ذهبت بعد الصلاة طيب هل كنت تفعل الصلاة كنت تفعل أو غفتها دوك لا حفظ الاستفهام قبلة سلال الشاهد ظرف طيب زمان قبل الصلاة أفعل الصلاة اتشوه لو غفتها لا ذهبت بعد الصلاة دي je suis allé après la salat et là le shahid dans la réponse est بعد طيب après le قبل c'est le contraire de بعد tout comme amam c'est le contraire de خلف طيب فوق je veux dire au-dessus c'est le contraire de تحت en dessous ça veut dire amam c'est le contraire de خلف l'axe ici ici en dedans ça c'est synonyme en vrai hadith طيب لا يدل الخرافة لدرس يدي avec les damayers muttasila bil fi'al les damayers qui sont accrochés au verbe le mukhatab aina zahabta ya akhi le mukhatab c'est quoi c'est celui qui tu parles l'interlocuteur c'est interlocuteur naam et al mutakallim c'est la personne qui parle naam et al ghaib c'est l'absent naam c'est les trois catégories des damayers interlocuteur et le mutakallim c'est plutôt l'orateur tu vois Le mutakallim c'est l'orateur, celui qui parle. Naam. Yaqul ayna dhahabta ya akhi? Donc là le shahid c'est ta. Où es-tu allé? Oh mon frère. Et ta là c'est un fa'il. طيب. Dans le jadwal, dans le tableau. Bah suis avec lui, inshallah, je trouve pas. C'est là, je sais pas. C'est le khulasa, ça, le dars. T'as fait t'as ouvert la barrière, il y a Mohamed. Ah. Non, il est sauvé. Quand le machin, il est tombé. L'aubaine, il s'est dit. Allez, ouais, mais voilà, Allah il t'a empêché de passer. Là, t'as Zahab. Tayyib, Zahab, Tayyib, c'est Anta. Ça revient à Anta. C'est le Mukhatab, le Muzakar, le Mufrad. Aina Zahab Tum. C'est 10, c'est 6. Ah, tu mets un achat, non, c'est 16. C'est pas les mêmes numéros, toi ? Si, c'est les mêmes. Alors, moi, après, j'ai la date. Ah, ben, ça, on l'a pas fait. Non, je te dis, après, si je tourne, j'ai 16, toi, t'as 15. Ah non, c'est par là, Ça se fera, je vous appelle lui et lui avec Abdelkader. Aïna Zahatoum, il y a Yehouani. Donc, Toum, là, c'est le Shahid, c'est Damir Moutassil, le Mukhatab, le Jam Muzakkar. C'est le Jam de Anta, de Zahabta. Aïna Zahabti, il y a Ukhti. Donc là, c'est Ti. Vous voyez ? Le Mukhatab, le Mukhatab, le Mouannassa, le Mufrada. Damir. Si, c'est Damir. Non. Voilà. Si. Le Aïna Zahabti. Aïwa. Là, c'est un Khurasa de Damir qui fait Moutassil. اين ذهبتن يا اخواتي طيب نقطه شايفه لو تي فعل لو تي توس توس فعل سوف يا سوف ذهبت لا توجور لا في غايب في مخاطب قال قص ذهبت ستات عنيف نعم مش با فاعل تاع حرف طيب اين ذهبتن يا اخواتي دونك لا تن في المؤنث في الجام دو تي ذهبتي انتي ذهبتن انتن انا ذهبت طيب جو سوز علي donc le shahid c'est tout. Nahnu zahabna. Taïeb, le shahid c'est na. Et qui l'a le damirain, les deux damirs c'est pour le mutakallim. Zahabtu le mufrad, wa zahabna jam. Taïeb, le kalimat le jadida. Qabla. On a dit que c'est un vase zamen pour dire avant. Ba'da, c'est l'axe, c'est le contraire. C'est après. Kaifa. Kaifa, oh, on n'a pas pris dans le texte Kaifa. Kaifa c'est ism istifham. Tu veux dire comment ? Il est pas dans le texte ? Si, c'est mon kayfa halu kunna ou akada. On n'a pas. On n'a pas précisé, non. Donc kayfa c'est ism istifham qui veut dire comment ? Voyez ? Mata. Ism istifham lil zaman qui veut dire quand ? Al usbu' c'est la semaine. Al shahru c'est le mois. Al azanu c'est ma'louf, l'azan, l'appel à la salat. الصلاح معلوف رجع سافر كي بيجي غوبنيا اختبار سيجي اكزاما دوك لي ردنا خلاصه دي دمائر المنفصله سي سي سي ايزولي طيب لير دون توكون ابري دون تيكست دون دون ديبي ديبي دو ليفر اولا المفرد هو طالب فاسي بول غايب مفرد مذكر هي طالبة. هذا هو الغائبة المفردة المؤنثة. هم طلاب. En général, غائب c'est pour la troisième personne. نعم. المخاطب c'est pour la deuxième personne. C'est pas en général, c'est ça quoi, non? هم طلاب. هم c'est الغائب الجم المذكر. هن طالبات. الغائب للغائب المؤنثة الجم. أنت طالب أنت المخاطب المفرد المذكر أنت طالبة للغائب المخاطبة المؤنثة المفردة أنتم طلاب أنتم سيقول مخاطب والمخاطب الجمع المذكر أنتن سيقول مخاطب المؤنث الجمع أنا طالب بس متكلم المفرد نحن طلاب هو المتكلم الجم اي فمست سيدولا دو تشوفي دو سي انا طالبة طيب انسان رجع انا يا با ديفيرونس اي دي فان ديرو نحن كذلك دونك سا الخلاصه دير دونك نبقي كوا ضمير متصل للمخاطب الجم المؤنث انتن او متصل كتاب كنا او متصل بالفعل ذهبتن طيب Donc là, on a fini. Il manque juste un dernier encore, c'est le Moussanna, le duel. Pour les deux. Ils n'ont pas encore mis, ils vont arriver, Inch'Allah. Ma foule oui. Akoumala Taïeb. Voilà, Ouna. Walhamdulillah, Rabbil Alamin.